auditeur. Ah oui. Mais oui. Allô. Allô. Allô. Allô, c'est Gédéon. Gédéon. Mais c'est bon. Qui baisse quand il est rond. Gédéon, eh bien, je vais te dire mon petit chat. Oui. C'est avec toi que j'ai le meilleur souvenir. Oui. Vraiment d'une bonne rigolade. Tu te rappelles de ça, Gédéon? Oui, oui, mais Gédéon. Gédéon, mais je suis lourd. Mais oui, Gédéon. C'est Florent maintenant. Florent est un excès maintenant. Comment? Oui, maintenant. Pas... Maintenant, on m'appelle Florent dans le milieu. Voilà. Pourquoi dans le milieu? Parce que Pani. Ah, d'accord. Non, bah, tu m'avais dit. Prénom à la mode, ça comme. Hein. Tu m'as dit de m'appeler Florent. Ben oui, c'est mieux que Gédéon. C'est plus classe. Ouais. Et c'est vrai que maintenant j'ai plus de classe quand même. Ah, voilà, bah tu vois comme ça, il faut changer. Mais on dirait que tu prends un peu plus de Tranxène que la dernière fois. Comment? T'as pris un peu plus de Tranxène que la dernière fois. Non, mais. T'en étais au 10, t'es au 50 là. Ouais. De quoi? De Tranxène. Des médicaments? Ouais. Non. Non, tu non. Pas de médicaments? Non. Pas. Mais du Gédéon, je bois du GVR aussi un peu, non? Est-ce que tu le vin qui ravigore? Oui. Gédéon, le vin. Nicolo, le vin des alcoolos. Voilà. Nicolo, le vin des alcoolos. Ça, c'est très bien. J'écoute beaucoup votre émission. Beaucoup. Et tu nous appelles d'où, Gédéon? Hein? Tu nous appelles d'où? Là, je suis chez moi. Chez toi? Voilà. Oui. Et tu habites avec tes parents? Non. On t'a laissé un appartement tout seul? Ben oui. Mais c'est un peu irresponsable, tes parents, quand même. Oh là là, ils vont couper le téléphone, t'as pas casqué, ils préviennent là. Non, parce que maintenant j'ai de l'argent un peu. Ah ça y est, qu'est-ce que tu fais? T'as été ramasser du muguet? T'as été vendre du muguet? Ça va pas la tête. Non, je travaille. J'ai des mecs à porter des sacs à main qui volent? Ils volent le sac à main, ils te le donnent, ils te disent, va me le mettre un peu plus loin? Non, je garde des comment ça s'appelle? Des radios, des trucs comme ça, je les gardais chez moi pour... Je suis les mecs, ils savaient pas où les mettre. Tu étais receleur. C'est ça, non? Non, c'est du tout, pas du Rachid tout. Et Kamel qui volaient des postes. Mais ça, tu peux pas la zombée. Non, parce qu'ils me payaient 100 balles par jour, et je gardais des trucs, mais c'était pas voleur. Mais parce que leur sommation, non, c'est pas voleur. Au moins, ça va être c'est pour la rame, peut-être, non? Hein? Il était vestiaire. Il était vestiaire, c'est ça. Non, c'est parce que, c'est pas pour ça. C'est parce que souvent, ils oublient leurs clés chez eux, et ils pouvaient pas rentrer. Oui. Donc, je regardais. Ah bah c'est bien. C'est un joli métier. Vous faites un joli métier. C'est comme le mec, il est abruti, c'est, et il va... Moi? Non, mais non. Non, c'est l'histoire d'un mec. Un mec, il va... Ah. Il va aux impôts, il doit de l'argent. Ouais. Et le mec, il dit, mais voilà, j'arrive pas à sous-payer, je peux pas sous-payer et tout. Et le mec, il dit, je peux vous donner 20, 30 francs par mois. Et l'autre, il dit, mais comment vous êtes? Ah ben là, ça y est, je vais travailler, je suis allé à un travail, et puis ils ont dit que j'allais écrire, alors là, ça va aller bientôt arriver. Et la secrétaire, elle est tombée par terre de rire. En comprenant quand même que le pauvre garçon... C'est social. Oui, mais il ne faut pas tirer sur les ambulances. Ah mais Florent, c'est bien quand même. C'est fait rigoler. Là, tu as quand même trouvé une situation, je trouve. Que... Non. C'est bien. Non, mais je ne sais pas, c'est un mensonge. Est-ce que tu as une sécurité sociale en même temps? Non, je touche le chômage. Ah, oui, bah c'est bien, en même temps, tu cumules. Et est-ce que tu as trouvé une amie? Parce que je me souviens, la dernière fois, c'était un peu la misère. Hein. Attends, je t'explique. Ah. D'abord, il m'a fait une petite histoire. Bourville. Une vendeuse de crayons. Une carte postale. Explique-moi. Alors. Qu'est-ce qui s'est amélioré dans ta vie? Alors, j'étais. Bon, déjà, j'ai un copain qui m'a passé gaufrage. Ah, il t'a pas fait le badge. Ouais. Tu sais, qu'un doigt, il y a une meuf avec une jupe. Oui, on sait. C'est classe, quand même. Oui, c'est vrai, classe. C'est Saint-Laurent, il est à côté, c'est vraiment... La gnognotte de la daube. La gnognotte de la daube. Et j'ai été là-bas dans une boîte... Au quatre temps, au Midnight Express. Non, oui, c'est ça, Défense. Eh ben voilà. À la cinquième. Ah voilà. Il y a un truc dans une galerie à la Défense. Oui. Midnight Express. J'ai chanté avec la Bézu là-dedans, comment ça s'appelle? Midnight Express. Midnight Express. Et bon, Et il y a beaucoup de bagarres. Mais c'est bizarre. Et attends, et bon, j'étais là-bas et j'avais le badge. Ah. Et je me suis dit, je vais connaître, tu vois. j'avais quoi. Et même ce que me dit. Attends, Articos quand tu cules. Comment? Articos quand tu cules. Articus quand tu pètes. Mais là parce qu'on comprend pas tout et on manque quelques phrases du bonheur. Vous m'écoutez pas, c'est pour ça. Mais on t'écoute, merde. Ah bon, alors. Tu vois, j'étais là-bas, et bon, elle me demande, c'est quoi, je connais ce badge et tout, toi, tu écoutes Future Génération. Je fais, bah ouais, j'étais devenu à fond, tu vois, je me dis, quoi, il y a des gens qui écoutent et tout. Et puis elle me dit, comment tu t'appelles? Bah, je dis, ben, Florent. Elle me fait Florent, et elle me dit, c'est pas toi, parce que tu sais, on dirait qu'elle a reconnu ma voix, je sais pas pourquoi. Ah bah ça. C'est un hasard, je sais pas. Elle me dit, je sais pas, j'ai déjà entendu ta voix. Ah, je fais, c'est pas possible. Elle me fait, t'as pas appelé à l'émission? Je fais, bah si, Gédéon. Elle me dit, bah tu t'appelais Gédéon. Elle m'a dit, un nom bizarre comme Bartholomé ou je sais pas quoi. Ah, mais tu sais que ton appel a fait un carton. Ah, ouais. Ah oui, celui-là aussi. Hein. Ah oui, ça, je vais dire. Et puis juste, il y a un mec qui a parlé de moi tout à l'heure. Ouais. Tu sais le mec, là, l'arabe, là. Il s'agissait d'un homonyme. Et c'était un compliment. Non, c'était un compliment. Peter. Hein. Il a dit, il avait un camarade qui s'appelait Gédéon. Qui avait enregistré une cassette où il y avait eu ton appel. Tu fais partie du best-of. Hein, voilà. Tu fais partie du best-of. Et tu sais que la semaine dernière, de peu, on aurait repassé ton appel, mais je ne l'ai pas trouvé sur les cassettes. Et tu sais que j'ai un ami qui est passé en best-of. Ah bon? Il y a Gil. Ah, il y a de Bill, ouais. Tu te souviens? Ça, ben, hein. Ce mec-là, je le connais. Il habite, hein. Et toi, t'habites où? Dans quel téléphone, coin? Dans ton téléphone, hein. Hein? T'habites dans quel coin? Moi? Oui. Moi, j'habite vers, je sais pas si tu vois, vers bas, pas loin de Barbès. Ah, bah, c'est bien. Ah, bah, ah oui, on voit très bien. Oui, on connaît. Oh, très bien. Vers où, la tasse, la grosse tasse verte en face des deux marronniers? Non, je sais pas si tu connais rue Joseph de Maistre. Oui, il y a un commissariat. C'est plus haut que Piga un peu. C'est Joseph. Ouais. Joseph de Metz. Geneviève. Ouais. À côté. Oui, il y a des tables. Vers le lycée Jules Ferry. Il voilà. Y a des meufs qui sont asperges là-bas. Mmh. Voilà, c'est bien là. Et je t'ai pas fini mon histoire. Ah, bah, t'es grave. Et la fille, elle a rigolé avec moi et tout. Et tu vois, je l'ai tchatché, comme on dit. Ouais. Ah. Et après, je l'ai embrassé. Et je lui ai laissé mon numéro, elle m'a pas rappelé. Oh, c'est étonnant. Bah, c'est un premier pas. Mais attends, il y a mieux. Attends. Ah bon. Et tout à l'heure, il m'a rendu un truc fantastique. Ah. J'étais à la manifestation là, pour contre Arafat. Mmh. C'était contre toi. Alors toi, tu étais quoi? Hein? Les juifs ou les non-juifs? Moi, j'étais avec les juifs, moi. Ah voilà. Alors, les juifs contre Arafat. Parce qu'il y avait les non-juifs contre Arafat, les juifs pour Arafat et les non-juifs pour Arafat. Il y en avait quatre, non? Il y a eu quatre manifestations. Il y avait ça. C'était les juifs. Il y avait ceux à Denfert, il y avait ceux à Copernic. Moi, j'étais à Copernic, moi. C'était génial, hein? J'étais à Copernic. Il y avait de l'ambiance. Ah ouais, fantastique. Il y avait des loukoums, des galettes et tout. Non, mais j'étais 100% avec eux. C'est de toute façon, c'est. Et moi, j'ai des origines un peu lointaines, hein, mais je suis. Un peu sage. Ah ouais, je suis tout à fait avec eux. C'est terroriste et. Très bien. Et trahison. Ah ouais. Ça, c'est bon. Enfin. Voilà. Je dois faire de la politique parce qu'il y a aussi des Arabes qui écoutent, et puis là, bon. On mais parle de. Ses opinions. On parle de baisse, quoi. Ouais, absolument. Oui, revenons bon, enfin, peu, bon. Oui. Alors. Et il y a une meuf, elle vient, elle me dit, j'écoute ça, toi. Alors je fais, ben ouais, et tout. Ça fait le même scénario, mais là je le sens. Ça m'a invité à boire un coup. Oui. Vers. Oh. Mais il a bien compris, quand même. Ouais. Mais ça doit être un insupportable. À vivre à Comblet, je peux faire un récital alors, puisque je suis populaire là-bas. Bah oui. C'est quoi, c'est le 78? Oui. Oui, c'est ça, c'est le 78. Eh ben c'est bien, tu feras Versailles, tu feras le château en même temps. Oui. Hein? Bah, je serai la reine. Voilà. Ah ouais, alors Zaza, elle arrive ici, elle est la reine sans problème. Hein. Ah, bah c'est bien gentil. Non. Est-ce qu'on peut venir à Wissienne? Ça m'aime beaucoup. Ah, ça m'étonnerait qu'il vous laisse rentrer. Ah, voilà. Voilà mon public. Hein. Voilà. C'est quand même incroyable, parce qu'en plus, il vous adore, il vous écoute tous les mardis et... Et ils vous laissent même pas rentrer. Il y a des gradés, il y a des gradés qui écoutent. Ah oui, non, mais j'ai sûrement 4 ou 5 sergents qui sont en train de m'écouter. Là, je leur ai donné le mot de passe. Hein. Est-ce que t'as pas des insultes à leur faire hein? Est-ce qu'il y a des enculés dans tes gradés? Ah ouais, il y en a un, c'est vraiment un enculé. Non. Alors attends, j'ai même te filer son nom. Balance. C'est le chef Selva. Le chef Selva. Selva, ouais. Et lui, il sait qui tu es? Bah oui, il doit m'entendre, c'est mon chef. Ah d'accord. Ah. Et tu... Ça m'a déroulé, tu vas te retrouver au trou, non? Non, mais je m'en fous. C'est pas grave. Quel âge il a, ton chef? Ah, il doit avoir quarantaine. Ouais. Et d'accord. Et ça te fait plaisir, l'armée? Non, pas trop, non. Pas vraiment. Non, pas vraiment, non. C'est pas un peu cave, non? C'est carrément, oui. C'est le cas de le dire, oui. Un peu blaireau? Ouais, complètement. T'as défilé le 14 juillet? Non. Non. Ah, bon. Heureusement pas, non. Mais il y en a des bien quand même, il y en a des sympas. Ah ouais, on a des super potes, mais enfin bon, l'ambiance générale est pas super. Il y en a qui chient et qui pissent dans leur lit. Ah non, ça m'est pas arrivé ça. Il y en a non, pas. Mais ça va pas dans mon compte argent. Est-ce qu'il y en a qui se font entre eux, faute de trouver une femme? Alors, disons que j'ai des doutes sur deux copains de chambre. Ah, ouais. Et de quelle façon ça se passe? Bah à mon avis, ils doivent attendre tard le soir. Ouais. Ils doivent aller s'enfiler dans les chiottes. Bah, écoute, tu les vois se lever? En fait, on a très peu d'heures de sommeil, donc moi je les laisse faire, mais enfin, je les entends, quoi. Ah, ouais. Et on vous fait faire des choses dures, là-bas? Par moi, exemple, je sais là. Pas, moi, commando, marcher sur le trou du cul... Non, ils sont pas tellement branchés sexe, en fait, pendant les heures ouvrables. Bah, bon. Alors, on va essayer de te trouver une meuf. C'est ça bon. Que tu recherches? Alors, en plus, je viens d'Afrique. Tu es blanc? Ouais, je suis blanc, ouais. Bon, alors, on raccroche. Et tu arrives d'Afrique du Sud? Non, j'arrive d'Afrique, enfin, de la Côte d'Ivoire, plus exactement. Oui, oui. Et donc, je sais pas si vous avez entendu parler de l'Afrique, mais disons que le climat est assez chaud, quoi. Oui, mais ça, on était au courant quand même. Vous êtes au courant? Oui, ben elle n'a fait que ça depuis qu'elle est née. Elle a fait que des Africains. Les nuits sont fraîches, ça dépend où. Et disons que bon, j'en parlais avec mes copains justement des nuits qu'on passait là-bas. Ouais. Et je leur disais qu'on avait énormément de mal à trouver la même chose ici, quoi. Mais tu te faisais des blanches ou des noires? Bah, je me faisais un peu de tout, quoi. Est-ce que les blanches sont plus chaudes ou moins chaudes que les noires? Ah non, alors 10 fois moins chaudes. Ah, 10 fois moins chaudes. Alors rien qu'au niveau de la pipe, c'est dégoûtant déjà. Oh. Et les blacks sont beaucoup plus chaudes. Ah bah alors elles lèchent, mais comme c'est pas permis. Hein. Non, ah. Comme une glace. Ah ouais, mais vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elles font? Comment elles attaquent le... Enfin, elles attaquent avec la langue, quoi, bien sûr. Elles engouffrent pas tout de suite. Ouais. Mais disons que, c'est... Je crois que la différence, c'est surtout au niveau de la bouche, quoi. Ouais. Et le travail des lèvres. Oh là là, complètement. Elles avalent tout. Elles te font gorge profonde? Complètement. Elles avalent. On a du mal à faire la différence avec les... Pourtant, on nous a dit, enfin, quand on était là-bas, on nous disait, ouais, la France, Paris, la capitale du sexe et tout... Ça fait 2 ans que je suis là, j'ai toujours pas trouvé une nana qui a accepté de se faire enculer. C'est quand même grave. Hein. Et c'est très bon une bonne pipe quand c'est bien fait. Non mais je ouais. Surtout par une blague. Tu te rends compte, une bonne pipe, gorge profonde, suçage des couilles, suçage de la bite avec plotage des couilles, doigt dans le trou du cul, léchage du méa, décalotage et recalotage avec la langue. Arrêtez, vous me faites envie, là, je suis alarmé, les gars. Tourniquet. Tu peux te branler, hein. Tourniquet et roulage de pelle avec la langue autour de la bite. Avec un restant de fromage sur la langue. Ouais. Et pendant ce temps-là, léchage de toute la veine bleue, gorge profonde, branlage de la bite en bouche. Mais tu te rends compte? Non mais vous me faites rêver là, je revis 3 ans en arrière. Là. Quand c'est bien fait, tu te trouves presque au bord de l'évanouissement. C'est exactement ce que je ressens. Oui, papa, pourquoi tu me fais pas faire comme les monsieur, l'échange des couilles? Quand je t'ai dit de faire la vaisselle... Les deux pots, je t'ai dit que c'était des chines du 12e siècle. C'était les couilles à ton oncle Auguste. Hé, papa, pourquoi tu voulais m'emmener à l'école? À l'école pour t'apprendre des méchantes choses? Non, c'est parce que t'as dû baiser toutes mes copines. Arrête, petite salope, tu me fais vendre. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut trouver pour toi? Ben, une blague de préférence. Bah non, pas spécialement une blague, quoi. Une négresse de l'ancien. Bon, ben, on est une chambre de 5 copains. Ah ben voilà, tu parles pour les copains. Bon, enfin, je parle pour les copains, je parle surtout pour moi, c'est comme moi qui appelle. Oui, ben tiens, s'il y a le feu tout de suite, là, tu es le premier à sortir par la fenêtre, hein. Là, j'aurais du mal, là. Bon, enfin bon, disons qu'on recherche des femmes assez complètement obsédées du cul, quoi. Ouais. Et vraiment libérées sexuellement. Très bien. Voilà. Alors, on va passer ton message. Voilà. Attends, c'est comment ton prénom? Alain. Alain. Petite description rapide. Et il a 22 ans et tu vas te décrire. Ah, rapidement. Alors, je suis 1m70. Je suis brun. Les yeux noirs. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu pèses combien? Comment? Tu pèses combien? Je fais 61 kilos. Ça va. Je suis normalement constitué. Ouais, quoi. Pas de et problème là... de constipation. Oh non, ça va au niveau du cul, je me porte très et bien. Et la teub est comment? Je sais pas, je dois faire du 16, 17. Ah, c'est 11. C'est bien. Est-ce que tu t'inquiètes des fois et tu te dis, putain, ma teub elle est petite? Ah non, pas non. Du tout, je m'inquiète pas du tout pour ma... Est-ce que tu la regardais souvent dans la glace quand tu étais plus jeune et que tu te branlais? Et tu disais, putain, elle est belle. Je me regardais souvent à poil dans la glace, mais maintenant que je suis alarmé, quoi, j'ai un peu peur parce qu'il y a un mec dans ma chambre, j'ose pas tellement me foutre à poil, quoi, j'ai peur qu'il me prenne. Mais est-ce que tu aimes te regarder tout nu devant la glace? Et si ça arrivait? Et tu fais gonfler ta bite? Non. J'ai du mal à m'exciter tout seul, hein. Mais t'arrives quand même à la faire gonfler un peu. Ouais, bah quand même, ouais, bien sûr. Quand tu te branles. Quand je me branle. Ouais. Bah parce que tu te branles. Bah tu quand même, comme tout le monde. Bon. Et à quoi tu penses quand tu te branles? À Donna Summer. Non, à des relations justement que j'ai eues en Afrique. Non, à Jeanne Moreau. À Jeanne, ouais, sûrement, ouais. Ouais. Attends, est-ce que tu as vu Querelle? Elle va venir, Jeanne Moreau, tout à l'heure. Quoi? Jeanne Moreau va venir, là. Ah ouais? Est-ce que tu as vu le film Querelle? Non. Voilà. Alors, dans le film Querelle, il y a Brad Davis. Ouais. Et il y a Jeanne Moreau. Ouais. Et Brad Davis baise Jeanne Moreau. Et son mari aussi. Voilà. Et son mari aussi. Et Brad Davis a une très belle bite. Ah ouais? Jeanne Moreau en est amoureuse. Chut. Des fois, ta queue m'obsède. Elle n'est pas comme celle de Robert. Pas élégante, mais grasse, solide, massive. Une très belle queue. Est-ce que tu l'aimes, ma queue? Elle me rend folle. Tu m'anéantis. Bon, on passe ton message. D'accord. Ok. Ouais, ben ce que je fais, c'est que je vous rappelle pour prendre les numéros de téléphone. Voilà. D'accord. Tu rappelles et puis il y aura les numéros de téléphone des jeunes filles chaudes. Ouais. Qui veulent rencontrer notre ami très sympathique. Alain. Ouais. Militaire à vie de la Coublet. Néanmoins militaire. Néanmoins, mais commando quand même. Hein. Commando. Ah, faut quand même le souligner. Commando. Comment t'as pas été pistonné alors, hein? Non, pas trop, non. Engagé alors. Bah, Catherine, je trouve que ce serait bien pour toi. T'es engagé? Non, pas trop, non, je suis prof de tennis, alors j'aurais du mal. Prof de tennis? C'est très chic, cette présentation. C'est pour le corps VIP. Je peux pas, bah oui, on va lui présenter alors. Marie. Bah, prof de tennis à l'armée? Mais qui joue au tennis à l'armée? Ah non, à l'armée, je suis pas prof de tennis. Ah bon, d'accord, mais parce non, que je me disais privé. Quand même. Enfin bon. Et donc, je tenais à dire aussi à Zaza qu'on l'a sucé tous ici. Hein. Ah ouais, tous. Hein. Elle arrive. Alors, je sais pas, elle essaye de se faire un fantasme. Elle imagine 2000 mecs faisant la queue pour lui sucer le dard. Elle irait bien faire un concert. Bon, on l'invitera peut-être un jour, alors. Ah oui, d'accord. J'ai essayé d'organiser ça. Bien très sûr. Bien. Bon, sinon, au téléphone à chevènement, non? Oui, Jean-Pierre dîne tous les jeudis à la maison. Bon, allez, on t'embrasse, chou. Ok, je vous rappelle dans combien de temps, à peu près? Un quart d'heure, 20 minutes. Bon, bah d'accord. Allez, on t'embrasse. Et je t'embrasse. Ouais. Moi, je vais beaucoup, Anne. Mesdemoiselles, si vous désirez contacter Alain, vous faites le 43 57 69 70. 43 57 69 70 pour contacter Alain. Mais qu'est-ce qui t'a fait, Alain? C'est une belle histoire d'amour. C'est un appel qui t'a bouleversé, ça. C'est un appel qui m'a bouleversé, qui m'a retourné. Et c'est... comme je suis retourné, eh bien que Nicolas en profite. C'est quoi ces larmes? Ces larmes que tu as laissé échapper. Ce sont des diamants blanc-bleu. Quelle est cette fumée qui sort de tes narines? C'est des quartiers. Non, comme tu es belle. Un bonheur, un rêve éveillé. Un rêve éveillé. 43, 57, 69. Il n'y a pas un disque là maintenant, des fois, ce serait bien. Oh ben non, il ne reste plus que 20 minutes à tirer. Ah oui, oh, bah, hein? Oui. Bah, alors passons deux disques, comme ça passe. Ça, les amis. Nous avons un auditeur en ligne. Ben, je crois que c'est ma bande qui vient pour mon découvert. Oui, c'est ça, l'auditeur. Allô? Allô? Oh là, c'est ma bande qui est une attends, femme. Tu dis que je suis pas là. Tu dis que je suis pas là et tu dis que là je suis parti en vacances, mais de toute façon je sais très bien que. Mais t'as vu dans l'escalier, je dis que tu es ton frère jumeau. Voilà, tu dis que c'est mon frère jumeau qui n'arrête pas de faire des dettes partout. Et tu lui dis que je rembourserai sans problème là rapidement. Je lui dois quand même 33 000. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. C'est la carte kangourou qui a été débitée. Ouais, il y a eu ça. Tous les vêtements que t'as achetés à ta tu dis que j'étais attaqué par un commando, par des skins, et j'étais obligé de leur donner mon numéro de. Tu préfères que comme ça? Puis tu dis pas que c'est une salope, hein. Non, non. Je la reçois poliment. Ouais, bon, voilà. Bonjour mademoiselle, asseyez-vous. Vous voulez un coussin peut-être, hein? Vous voulez pas quelque chose? Comment elle s'appelle? Comment tu t'appelles, ma chérie? Allô? Oui, mais ça va, là? Oui, bah, mais on est branché, la télé est cachée chez vous, mais l'équipe de Rémi Grumbach qui fait des miracles est là, et nous allons, la caméra va pénétrer chez toi. D'ailleurs, je vois... À gauche, tu as bien des revues par terre, non? Je la sens, il pénètre. Vincent, il est en train de te pénétrer. Bonjour, ma petite reine. Quel est ton prénom? Marilyn. Marilyn, et tu es avec Vincent? Comment? Bon, ça tu es avec Vincent? Non, je suis avec une amie. Ah, d'accord. Non, parce qu'on, je croyais que tu avais dit il y a Vincent à côté de moi. Non, pas du tout. Et tu as quel âge, Marilyn? 25. 25 ans. Et ta copine, à quel âge? 23. Et vous êtes de la pelouse aussi? Non, pas du tout. Non. Ah, vous aimez les garçons? Ouais. Ah ben, comme ça, on aurait eu tout un panel. Oh, un joli panel. Représentatif de la population baisante. De toutes les sexualités. Ça, c'est très bien ce soir. Oui, on a à la limite, je pense qu'on arrêtera 2 semaines au lieu de 3 semaines avant. Oh, oui, oui. Hein? Oh, oui. Autant partir sur de très très bonnes émissions. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous arrive et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on exauce comme vœu? Non, moi c'est pas un vœu. Je téléphone pour l'autre abruti qui vient d'appeler là. Lequel? Celui qui dit que les femmes à l'armée sont toutes vilaines. Ah. Ce qui est tout à fait faux. Vous êtes de l'armée? J'ai fait l'armée, effectivement. Oui. Combien de temps? Un an et demi, parce que j'étais volontaire féminine. Oui. Et il a dit apparemment que toutes les femmes étaient vilaines, ce qui est totalement faux. Oui, il y en a quand même beaucoup de vilaines. Pas où j'étais, elles étaient plutôt canons, les nanas. Ah, d'accord. Tu étais où, dans les dom-tom? Non, pas du tout. Non. C'était à l'école militaire, à côté du Champ de Mars. Oui. Mmh. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de filles? Moi, j'étais plutôt dans les bureaux. Hein. Dans les bureaux. Ouais. Mais il y avait quand même beaucoup de filles. Tu les voyais, les autres? Ah oui. On les voyait entre lignes, tout ça. Ah, et toutes les filles qui font leur armée, c'est des filles qui ont décidé de s'engager? La plupart, oui. La plupart? La plupart des filles, oui. D'accord. Et est-ce que ces filles ont une sexualité ou non? Est-ce qu'il y en a vraiment des chaudes et tout qui pensent qu'à se faire baiser? Bien soit sûr. Avec des mecs, soit avec des filles et tout. Et est-ce qu'elles parlent de ça entre elles? Bien sûr, on parlait de ça entre nous, ouais. Avant de s'endormir, avant les sections de feu, tout ça. Bon, et est-ce qu'elles parlaient des mecs? Elles fait putain, t'as vu ces bandes d'enculés qui viennent de nous amener, les 30 derniers, là, les... C'est tout à fait ça. Les bleus, mais tu vois pas, là, moi j'en chie 50 comme ça tous les jours et tout... Ah oui, c'est vrai, hein, parce que moi je vais dire, j'ai tout à fait le genre de client que j'avais chez Kodak. Mais tu te rends compte les autres, là, il y en a 50, c'est des horreurs. Et t'as vu l'autre qui a les varices au pied, il n'arrive même pas à marcher, à se traîner dans la boue. Oh, tu vas voir demain comment je vais le faire chier. Exactement ça, surtout celle qui était gradée. Hein. Ah oui, et elle faisait exprès de les faire chier les mecs. Elle dit putain, tiens, ça leur apprendra ces machos de nous vouloir nous faire chier. Certaines, ouais, certaines aimaient bien se venger sur les nouveaux arrivés. Mais les filles, est-ce que tu penses qu'elles s'engagent pour avoir une vengeance contre les mecs? Certaines, pas toutes. Il y en a, c'est parce qu'elles ont été déçues dans la vie civile et elles veulent se montrer plus fortes ailleurs, quoi. Donc elles ont choisi cette vie. Elles sont toutes même pas très intelligentes, quand même. Oh, c'est pas une question d'intelligence, hein. C'est pas une question d'intelligence, hein. Il y en a, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé de boulot ailleurs, ou elles se sont dit, tiens, pourquoi pas ça, et puis si ça marche, ça marche, hein. Mais au départ, est-ce qu'elles sont dures tout de suite, ou elles s'endurcissent au fur et à mesure? Non, elles s'endurcissent au fur et à mesure, parce que quand on arrive là-dedans, on est plutôt un peu stressé, on sait pas sur quoi on va tomber, qu'est-ce qui va se passer. Et après, au fur et à mesure qu'on monte de grade, et là, on commence à sévir, quoi. On prend un peu notre pied sur les mecs, quoi. Oui, mais là, c'est une émission qui devient un peu trop sociale et pas assez... Mais non, mais parce que ça doit bien énerver les mecs, ce genre de discours. Ceux qu'on fait leur armée, je te dis pas comment ça doit les énerver. Ils doivent dire, putain, ces salopes, là, comment on les baiserait? C'est pas toutes des brouteuses, comme il a dit, l'autre, hein. C'est pas toutes des brouteuses. Ah non. Elles aiment la quéquette aussi. Oh, bien sûr, comme tout le monde. Mais est-ce que vous choisissez, dans les personnes qui sont dans vos camps militaires, vos amants? Bien sûr, on allait même dans leur chambre et tout. On faisait des trucs, hein, faut pas croire, hein. Mais comment vous les draguez? Enfin, ça... Ben, quand comment ils venaient dans les bureaux, alors sur des petits papiers, des petits mots, viens me rejoindre dans la chambrée. Des et puis, jeux de restaurer, des menaces de viol, des joyaux d'assassinat. Si tu viens pas, attends-toi à avoir des surprises, un truc comme ça, si ça marchait. Non, ouais, mais ils peuvent pas faire ça au gradé quand même, aux femmes gradées. Bon, ça dépend, hein. Ouais. Et les femmes gradées sont très très laides. Plus elles sont gradées, il paraît que plus elles sont laides. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, non. Toi, tu n'étais pas gradée du tout ou tu étais très gradée? Je suis sortie. Tu étais dégradée? Non, je suis sortie caporal chef, moi. Ah, bah c'est bien ça, capo chef. C'est bien. Et ça t'a amené où? Et tu commandais des mecs? Pas souvent, puisque comme je te l'ai dit, j'étais dans les bureaux. Ah oui, et dans les bureaux, tu commandes personne? Ah, non. Oui. Non. Non. Tu te commandais ta machine à écrire et toi. C'est pas sur le terrain quand même. Ben ça t'a pas tellement changé de chez Kodak? Non, pas du tout. Plutôt Leclerc, tu vois. Ah, c'était Leclerc. Entre ta caisse enregistreuse et ta machine à écrire. Exactement. Non, ma poupée. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse rencontrer des garçons? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Et ta copine, comment elle s'appelle? Betty, elle était aussi... Non, elle pas elle du tout. Pas, non. Oh. Attends, je te la passe. Oui. Betty qui rit quand elle fait pipi. Elle veut pas venir. Elle veut pas venir. Est-ce que tu peux me faire un petit cri de jouissance? Et moi? Ouais. Ah, ben oui. Ça peut te faire plaisir? Ah ben oui, ça me fait très plaisir. D'accord, on y va. Vas-y. Oh oui. J'aime ça. T'en vas encore? Ah bah oui, hein. Oh oui, mais là, moi, s'il te plaît, j'aime ça. Plutôt par derrière, c'est meilleur, mon chéri. Ah, oh, vicieuse. Mais moi, j'aime le sexe, moi, j'aime tout, hein. Qu'est-ce que tu aimes faire avec un garçon? Est-ce que on peut dire que tu es une bonne suceuse? Ah oui. Ça oui? Ouais. Et est-ce que tu aimes aussi par derrière? Est-ce que tu as déjà été visitée plusieurs fois? Oh oui, j'adore ça. C'est ce que je préfère. C'est ce que tu préfères? Ah ouais. Et est-ce que tu aimes qu'on te doite la chatte en même temps quand on t'encule? Ouais, j'adore ça. Je trouve ça super, ça... Et tu fais bien attention à ce que le trou du cul soit bien propre, nickel et tout, hein? Oh bah oui, quand même. Parce que tu sais, bon, c'est pas très agréable quand on ressort avec un hameçon, hein? Ah oui. Hein? Mm-hmm. Alors il faut bien toujours nettoyer, que Général Caca disparaisse et tout. Surtout avant le bourrage, c'est bien. Mais oui, mais c'est des petits conseils comme ça qui n'ont pas l'air. Qui ont leur importance dans la vie quotidienne. Qui ont l'air de rien et voilà. Parce qu'en vacances, des choses passent plus facilement. Voilà. Alors ma petite cocotte chérie, on t'embrasse. Ouais. Et puis on te dit à très bientôt. Ok, mais c'est dommage que vous arrêtiez l'émission. Hein. Bah oui, on le sait que c'est très dommage, mais tu comprends, il faut bien qu'on l'arrête un jour cette émission. Gédéon va nous manquer. Ah ouais, ah, Gédéon. Oui, c'est vrai, ouais. Mais on verra dans quelques mois quand on sera reposé, on sera calmé. Ouais. Trouvez-nous quelque chose encore plus sans as. Bah voilà. Ah, super. Okay. Avec des jeux et tout ça. Mais Gédéon, voilà. Vous pouvez le trouver sur Minitel. Hein. Ouais, Gédéon, il répond. Oui, il est sur Minitel. Il est sur TBN. Sans aucun problème. Il a sa boîte aux lettres. Il a sa permanence. Voilà. 24 heures sur 24. Hein. Il a... ouais, c'est bah, c'est quoi le nom de sa boîte? C'est Gédéon. Gédéon, ouais. C'est Gédéon le nom de sa boîte à lettres. Ben, vous pouvez lui laisser des messages sur Gédéon. Tu communiques avec toi? Ah ouais, j'arrête pas. Non. Ah, il est tellement beau. Ah, ah ouais. Ça c'est vrai. Hein. Et il a essayé de te faire, non? Je sais pas, pas encore, je t'en raconte. Il n'y a pas eu de proposition? Ben non. Alors, 3615 TBM. Oui. Et c'est le choix Lune de Fiel. Et après, tu rentres sur les boîtes aux lettres, et là, il y a les boîtes aux lettres de plein de gens avec lesquels vous pouvez discuter, laisser des messages et tout ça. Il y a beaucoup de filles aussi? Je sais pas. Ouais, ben il y a déjà toi. Qu'est-ce que t'as comme pseudo, toi? J'ai changé. Il n'y est plus, j'ai regardé cet après-midi, ça y était plus. Ah. C'est quoi ton pseudo? C'est Turc. Turc? Ah, genre, ah, bah, oui, mais alors, ah tu l'as mis au féminin? Non. Mais bon, comme ça, oui, c'était un blase comme un autre. Ouais, ouais, mais... Là, tu vas changer, tu vas marquer Istanbul. Voilà. Ah, voilà. En deux mots, Istanbul. Boule de billard, voilà. Boule de pétanque. 43, alors, 57, 69, 70, 43, 57, 69, 70. Nice, matin. Voilà. Matin, bonheur. C'est le jeu du... cœur. Du cœur. Du domine... Non, du... Le jeu du cul. Nous avons un auditeur en ligne. Mmh.